fille un pantin de ripopole. Le jeune Jacques, il y est bon sous contre basse à Papa Noël. Les pas du toca sous maracas, il dit brino à la soubas. Et ritmo, ritmo, bueno, ritmo, oigaru gamamo. Anino tenga saxo rossi, rossignol canta de ripopole. Gojen Jacquilie gonsu contre basa Papa Noël. Des pas de toca sous maracas, y di brino a la sumbas. Et ritmo, ritmo, bueno, ritmo, oigaru gamamo. Gojen Jacquilie gonsu contre basa Papa Noël. Des pas du toca sous maracas, y di brino a la soubas. Et ritmo, ritmo, bueno, ritmo, oigaru gamamo.